Bonjour, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine heure, comme à tous les vendredis 9h. Ce matin, j'ai décidé de choisir, ça se dit toujours bien. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis toujours à la recherche de mes mots. Donc, ce matin, j'ai décidé de parler d'un sujet qui en touche plusieurs. Et puis, à différents niveaux, et puis on va pouvoir démystifier qu'est-ce que c'est aussi, essayer de connaître le sujet. Je parle d'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être beaucoup de peur, ça peut aller à l'agoraphobie, ça peut aller avec des troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être des troubles paniques. Donc, comment on va démystifier ça? Mais j'ai quatre invités en studio ce matin. Je suis chanceuse parce que il y a des gens qui vivent d'anxiété et qui ont décidé de prendre la parole et de venir justement en parler, essayer de m'aider à enlever les préjugés de ce que c'est de vivre avec de l'anxiété. Donc, ben, écoutez, je reçois, pour ceux qui nous ont suivis depuis la toute première cet été, vous connaissez Denis Viel, qui était justement mon premier invité pour nous parler des différences. Et puis, Denis, ben, c'est un conseiller en développement personnel et professionnel. Bonjour, Denis. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de perdre la voix. Désolée, Denis. Et désolée aux auditeurs aussi. Denis, on va présenter aussi nos invités qui ont décidé de venir nous parler d'anxiété et tout ça. Donc, je reçois ici, on peut dire PA. Bonjour PA. Salut tout le monde. Toi, tu es animateur pour Phobie Zéro. Je suis animateur pour Phobie Zéro à la maison de la famille Louis-Hébert, près de la rue Mirand, tout près de la rue Mirand et coin chemin Sainte-Foy. Et ça fait 3 ans que je fréquente cette maison. Et là, je suis animateur, en fait, pas officiel, parce qu'il y a des animateurs officiels puis il y a des animateurs de petits ateliers. Moi, je suis animateur d'un petit atelier qui se déroule vers la fin, qu'on appelle un parler pour parler, où on discute à bâton rompu de tous nos problèmes un peu plus personnels, sans que ce soit aussi formel que le début. Et voilà, et ça me fait un bien énorme, et j'ai eu des commentaires comme quoi je pouvais moi-même inspirer d'autres gens, fait que c'est du donnant-donnant. Mais on va en parler justement de Phobie Zéro. J'ai aussi Claude et Vincent qui fréquentent Phobie Zéro. Bonjour messieurs, merci de venir en studio nous parler. Donc Claude, de ton côté... toi aussi, tu fréquentes Phobie Zéro depuis un certain temps. Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, c'est sûr que je souffre de troubles anxieux depuis mon enfance, mais je m'en rendais pas compte avant. Vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à me rendre compte de ça. Et effectivement, je consulte Phobie Zéro depuis un an. Ça me fait beaucoup de bien d'aller exprimer ça en avant, d'aller sortir ces émotions négatives-là. Oui. C'est bienfaiteur pour moi. Oui. Puis Vincent, toi, de ton côté? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je souffre de phobie sociale, entre autres, ainsi que de crise de panique, donc trouble de panique. J'ai connu, je suis ici grâce à Phobie Zéro, entre autres, parce que... Je vais m'exposer. C'est une des belles plateformes où je peux m'exposer à parler devant les gens. Aujourd'hui, pour moi, c'est une exposition de parler à la radio. Oui, puis bravo aussi. Bravo. C'est une des méthodes les plus recommandées pour essayer de maîtriser notre anxiété. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin. Ben merci d'être avec nous. Puis, si on parle, là, vous connaissez nos invités ce matin, puis j'aimerais ça parler avec Denis pour nous expliquer, puis avoir ton côté expertise pour nous expliquer ce que c'est que l'anxiété. Est-ce qu'on met tous les termes dans le même pot? Il y a beaucoup de nuances à apporter. Commençons avec le mot stress, oui. qui est devenu un mot fourre-tout, où on peut tout mettre là-dedans. Quasiment à mode. Hein? Anxiété est devenue très populaire aussi depuis quelques temps. Donc, c'est un mot qui est utilisé à toutes sortes de sauces également, mais qui englobe un ensemble de manifestations. Moi, j'aimerais qu'on commence peut-être avec un mot plus basique qui s'appelle la peur. OK. Hein, parce que dans le fond, c'est de ça dont on va parler. Ben c'est à la base. Voilà. De... Tu touches un point. La peur, l'anxiété, l'angoisse, là, les frontières sont bien floues. Exactement, ouais. Exactement. Donc, commençons avec la notion de peur. Mm-hmm. On est programmé pour avoir peur. OK, on est programmé, oui. On est programmé pour la survie. Hein? Biologiquement, notre être, notre organisme biologique et toute espèce biologique est programmée pour la survie. Et en ce sens, la survie, c'est se protéger du danger. Hein? Si on remonte à la préhistoire, si je m'en vais chasser, je vais m'arranger pour pas devenir la proie. Ouais. Hein? Donc, je vais devenir vigilant, je vais surveiller mon environnement, il en va de la survie de ma communauté, il faut que j'amène de la viande à la communauté, il va de ma survie aussi, il faut pas que je me blesse parce que je deviens un poids pour ma communauté, il faut pas que je me fasse manger moi-même. Mm-hmm. Hein? Donc, et quand on regarde la nature, il y a ça aussi. Oui. Hein? Dans la nature, regardez juste aux aguets. Un chat en chasse. Oui. Hein? Les oiseaux, il y a toujours un surveillant dans la gang. Oui, la pupille dilatée, il va toujours surveiller ce qui l'objectif, se passe, c'est là, de surveiller l'environnement en cas de danger. Donc, biologiquement, la peur fait partie des processus de survie et de développement. Donc, il faut peut-être commencer à avoir moins peur de la peur. Ouais. Comprendre que ça... Parce qu'on peut avoir peur d'avoir peur aussi. Exactement. Oui, on va revenir. Là, on s'en vient, on se rapproche de l'anxiété. Écoute, je te suis, je te laisse aller. C'est toi qui s'y connais mieux que moi. Donc, c'est une première nuance que je voulais amener. Ouais. La peur, ça fait partie de nous. Hein? Peut-être qu'on a, avec le temps, développé une société qui voyait la peur comme de façon un indice de faiblesse. Mais peut-être que ça fait juste partie de nous comme outil d'évolution, de protection dans un environnement qui a changé. Évidemment, l'environnement a changé beaucoup. Il n'y a plus de lions qui se promènent ou de loups qui se promènent en ville. Un peu moins. Mais en tout cas, c'est les mêmes mécanismes, à quelque part, biologiquement, qui sont là. Oui. Autour de la menace. On va revenir boucler ça. Deuxième élément. L'anxiété est perçue comme un indice d'une problématique. J'aimerais encore le nuancer. Je sais que je vais à contre-courant, mais j'aimerais nuancer. Non, pas de problème. Si je suis anxieux, c'est un indice que je suis une personne sensible. J'ai une sensibilité. Mm-hmm. Hein? Ce qui est plutôt positif. Si j'étais insensible, sans empathie, j'en ferais pas d'anxiété. Mais je serais un psychopathe, par exemple. Oui. Je serais dangereux pour autrui. Donc, qu'est-ce qui est plus souhaitable entre les deux? Bonne question. Deuxième élément. Oui. Si j'ai de l'anxiété, ça veut aussi dire que je suis porteur d'une grande capacité d'imagination. Oui. De projection. De prévision. Hein? Dans le fond, est-ce que j'ai peur de la réalité ou j'ai peur de l'idée que je me fais de la réalité? Mm-hmm. Et ça aussi, la créativité, l'imagination, c'est quelque chose qui est une qualité. Mm-hmm. Hein? Si je suis sans imagination, j'en fais pas d'anxiété. Je suis pas capable. Je suis pas capable de me faire peur à moi-même. Je suis pas capable de partir d'un événement et de le projeter plus loin que que l'immédiateté. Donc, déjà là, les personnes anxieuses, ce sont des personnes sensibles et qui ont une grande créativité mm-hmm. mais qui doivent apprendre à maîtriser, à apprivoiser cette sensibilité-là et cette créativité-là, cette imagination-là, pour qu'elle serve au bien, au bien-être, et non pas au mal-être. Mm-hmm. D'accord? Je ne sais pas si je vois mes collègues hocher de la table. Oui, en tout cas, je pense que... Quand on va peut-être aborder le sujet de nos groupes de phobie zéro tout à l'heure, là, il y a une petite méthode à trois points là, qui se rapproche un peu de ce que tu viens de dire. D'accord. Pour ce qui est de la créativité, j'ai lu dans des études qui ont fait qui démontrent clairement que les anxieux sont plus créatifs en général que la population active, normale. Là. Mais on est à l'ère où est-ce que la créativité est quand même sollicitée de partout. On voit de plus en plus de gens qui sont fiers de leur créativité, qui deviennent de plus en plus créatifs pour, si admettons on est entrepreneur, on a de la créativité pour mettre sur pied nos choses, on est sollicité de tout bord, de tout côté par plein de créatifs. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'anxieux? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sujets à l'anxiété? On parlait tout à l'heure d'abord, on n'aime pas être anxieux. Quand on ressent les émotions, quand on ressent toute la tension, l'épuisement que crée l'anxiété, On n'aime pas ça. Personne n'aime vivre ça. Les crises qui viennent avec ça, les crises d'angoisse, les insomnies. Ça peut aller loin. Ça peut être physique. C'est pas juste psychologique. Exactement. Ça peut être physique aussi. Est-ce que nos ancêtres qui travaillaient dur les champs et qui rentraient épuisés le soir et souffraient d'anxiété? Je le sais pas. On a tendance à dire, dans le temps, c'était bien plus facile. Je le sais pas. Ben, peut-être qu'il en souffrait peut-être moins. Je vais te laisser aller. L'anxiété, à cette époque-là, était intégrée. Parce que quand tu étais cultivateur, tu étais soumis aux aléas des saisons. Ouais. C'était un travail dur, difficile et en plus, incertain. Donc, l'incertitude du quotidien faisait partie de la vie. La médecine n'est pas ce qu'elle était. C'est-à-dire que la médecine, dans ce temps-là, n'est pas ce qu'elle est devenue. Le taux de mortalité était extrêmement élevé chez les enfants. Hein, tu créais la vie, mais tu ne savais pas si tes enfants allaient survivre. Combien de femmes sont mortes en donnant la vie aussi en couche? Ouais. Donc, la mort faisait partie de la vie, oui. du quotidien. La peur du manque, de manquer de nourriture, ça faisait... Il y avait beaucoup de pauvreté. La misère, c'était comme quelque chose qui était partagé par la majorité. Mm-hmm. Il y avait une espèce d'abandon à la Providence. Il y avait des repères que nous n'avons plus aujourd'hui. Mm-hmm. Exactement. Dieu aujourd'hui, puis la messe et puis la petite vie de paroisse, aujourd'hui c'est tout éclaté. L'anxiété a explosé de manière exponentielle sur un plan extérieur et visible, selon moi. Et j'allais aborder la question des fuites. Hein, on n'aime pas ça, l'anxiété, fait qu'on trouve ça toutes sortes de moyens. La fuite, oui, pour ça l'éviter. Peut être la religion, plein de choses. La religion pouvait aider à donner un sens. C'est-à-dire que on n'avait pas une vision de la vie idyllique. On disait c'est un passage vers quelque chose de mieux. Hein? On s'en va, il fallait gagner son ciel, donc on savait que ça allait être dur. Ouais. On allait travailler à la sueur de notre front, puis pour atteindre le paradis. Donc, le bonheur n'était pas ici. Le bonheur, c'est après la mort. Non, puis juste une petite parenthèse, j'ai entendu aussi des gens d'une autre génération qui disaient comme quoi que l'enfer, ben c'était quoi? C'était ici. C'était ici qu'on vivait notre enfer. Notre purgatoire. Exactement. Exactement. Oui, je pense que vous êtes unanime. Maintenant, il y avait des problèmes d'alcool dans le temps aussi. Oui. Je voulais aborder la question de la fuite ou des moyens qu'on prend pour atténuer l'anxiété. Mm-hmm. Ben, ça buvait solide. Mm-hmm. Absolument. Ça buvait solide. Les gars, les femmes, moins. C'était caché, les femmes. Ben, les femmes, c'était caché. Ouais, c'est affaire de là, gin, là. Là, on tombe du côté d'un côté féministe, là. Mais oui, une femme qui boit, c'était mal vu. Donc, il y avait un besoin de décrocher de ce quotidien-là qui n'était pas facile. Mm-hmm. Il y avait un besoin de décrocher, de... Écoute, tu avais des familles nombreuses, mais tu pouvais en perdre deux, trois. Tu pouvais perdre ta femme. Toi-même, tu pouvais mourir d'un accident de travail, d'un accident sur la ferme. Oh, oui. On allait bûcher, mais c'était un métier extrêmement dangereux. Les accidents qu'il y avait dans les camps de bûcherons, mm-hmm. c'était incroyable. Il était exposé beaucoup à ça. Exactement. Donc, la vie n'était pas facile et... Peut-être qu'on avait plus intégré la souffrance, plus intégré la mort. Ça ouais. faisait partie du portrait. Aujourd'hui, c'est autre chose. On a un tabou face à la mort. On essaie de l'évacuer le plus vite possible. On a un tabou face à la souffrance ouais. également. Depuis la Révolution tranquille. Exactement. Où c'était l'hédonisme qui prédominait. J'ai envie de dire, avec la montée du capitalisme, c'est-à-dire c'est la toute-puissance, oui. hein, la puissance économique, mais ça s'est introduit un peu partout. Il faut être fort, hein, faut être solide, il faut être fort, il faut être riche, faut avoir du pouvoir, hein, mm-hmm. Alors qu'on était dans une société où on vivait l'imprévisible et l'impuissance face à l'imprévisible. Aujourd'hui, on essaie de tout prévoir, de ouais. tout. Il y a des systèmes d'alarme partout. Ouais. On parle, l'anxieux, à quelque part, c'est quelqu'un qui a plein de systèmes d'alarme dans son système. Mais ouais. je trouve que notre société est comme ça aussi. Il y a des systèmes d'alarme partout, des partout. Caméras partout. Partout. Ouais. Je trouve que c'est un reflet de ce que c'est une personnalité anxieuse. C'est ça. Hein, c'est dans le fond, une personnalité anxieuse, ses sens sont ouverts pour capter tout ce qu'il y a dans son environnement pour se protéger. Ben, notre société, l'Internet est surveillé, les caméras sont partout, oui. Les systèmes d'alarme sont partout. On est surveillé partout. Il n'y a plus de confidentialité. C'est ben, très difficile d'avoir une vie intime, confidentielle, avec l'électronique qui est partout. Ben, je peux faire un parallèle avec le nombre de fois, calculer le nombre de fois où est-ce que vous êtes filmé quand vous sortez de chez vous. Mm-hmm. Aussitôt que vous êtes sorti de chez vous, ben, vous passez sur un coin de rue qui a une caméra sur le coin. Oui. Vous arrivez au dépanneur, vous êtes filmé, vous arrivez à la banque, vous êtes filmé, vous arrivez peut-être dans une grande tour à bureau où est-ce que vous travaillez, ben on va vous scanner peut-être une carte d'identité, on va vous filmer en plus, fait qu'on est surveillé de tous bords, de côté. Ben, les anxieux, ça... Les personnes les gens anxieuses, qui sont anxieuses... C'est un peu le même système. C'est ça. J'écoute, je regarde, j'essaie de sentir. Mon système ouais. nerveux est très vigilant, très actif. Il capte tout. Pour tout voir, tout sentir, pour ne rien perdre, en au cas où. La société reflète en fait le... La société reflète pas mal avec toute... Est-ce que... Comment... Je pourrais reformuler ma question en... Est-ce que la société est anxieuse et ça crée des anxieux? Moi, je crois que oui. Eh bien, moi, je dirais, ouais. pour qu'on, un petit quelque chose qui me montre, c'est que la société, avec le terrorisme, ça aide pas, c'est sûr, mais quand tu as du pouvoir, comme quand les Américains étaient la puissance numéro un, ça s'en vient de plus en plus du côté de la Chine, là, bien vu économique, mais quand les Américains étaient numéro un, puis chaque empire qui a eu sa période de numéro un dans l'histoire, mm-hmm. quand tu as des territoires conquis, que ce soit des territoires économiques ou physiques, tu veux les garder, puis il y a des insurrections qui peuvent survenir à tout moment. Fait que tu checkes tout partout, tu délègues des soldats pour checker, espionner, voir s'il n'y a pas un mouvement qui va se lever bientôt pour pouvoir le réprimer. Posséder beaucoup, beaucoup de choses, avoir beaucoup, beaucoup de pouvoir, ça rend anxieux. Exact. Oui. Plus j'ai peur de perdre, et voilà. plus je suis insécure. Puis si... Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler, je pense. Si, admettons, on revient à l'individu, pour chacun, comment ça peut se décrire, peut-être, votre anxiété, ou tout dépend le... Est-ce que je peux appeler ça un handicap? Parce que ça peut handicaper certains. Oui, moi, je pense qu'on peut appeler ça un handicap. Moi, ça se traduit, ça commence à des inquiétudes diverses. Ça se traduit des fois en phobie d'impulsion. Phobie d'impulsion veut dire peur de perdre le contrôle. Mm-hmm. Mais ça arrive jamais. Mais ces peurs-là me fatiguent. Mm-hmm. Puis là, ça se transforme après ça en tristesse, en déprime. Ouais, il y a des phases. Puis en dépression. Parce qu'en venant en déprime, là, je me sens inférieur aux autres. Puis j'aime pas ça, mais m'exposer à ce moment-là. Alors, ça m'amène l'estime de moi qui mange la claque. Mais ça se peut-tu, Claude, que ça parte justement comme... pas ça se peut, mais ça a l'air à partir, comme Denis disait, de l'imagination. Absolument. Ça part des scénarios qu'on peut se faire, qu'on va commencer à parler. Oui. Bon, ben il y a peut-être ça qui va m'arriver. Comment tu t'en es rendu compte oups, il y a de quoi qui cloche là avec mes situations? Là, comment je me sens pas bien? Je me sens pas bien. Ben, j'avais vers l'âge de 27-28 ans. Là, que avant ça, j'étais 5, 6 ans, 7 ans à prendre un coup, puis pensant avoir du fun avec mes amis, puis faire le clown, puis faire rire le monde, puis tout ça. Mais c'est parce que j'avais un mal-être intérieur à un moment donné que j'étais plus bien en mm-hmm. prenant un coup. J'étais tanné d'entendre dire toutes sortes de niaiseries. J'étais mm-hmm. plus bien là-dedans. Alors, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ces fréquentations-là. La vie a changé. Puis c'est là que j'ai tombé à une première déprime. Puis là, je me cherchais. Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais jamais vécu ça avant. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai lu des livres sur la psychologie, puis j'ai commencé à prendre conscience que j'avais un mal-être intérieur qui était causé, selon moi, c'est des émotions non vécues dans l'enfance. Okay. Ça a duré là, jusqu'à... Mais ça peut aller aussi loin que ça. Peut-être, Denis, tu peux... Je suis convaincu de ça. Peut-être, Denis, tu peux me dire... ça peut aller... ça peut partir de très loin, là. J'ai envie de dire que... Le prototype de la peur, c'est la naissance. OK. C'est la première... Je vais te laisser... Toi, tu m'amènes toujours des points, Denis, que c'est la première. C'est la première épreuve... Oui. C'est ça, c'est clair. Qu'on a à vivre, parce que c'est pas facile naître. Mm-hmm. C'est pas facile naître. Tu pars d'un environnement où tu nages dans l'eau, t'es supporté... C'est chaud, on est bien, c'est confortable, climatisation idéale. Mmh. Et là, tu passes dans un tunnel, c'est serré. C'est une transition majeure. Non, il n'y a plus d'eau, là. Faut que tu apprennes à respirer, hein? Ouais. Faut que tes poumons décident de fonctionner à ce moment-là. Tu passes dans un environnement beaucoup plus frais, plus froid. Mmh. Tu étais porté dans une piscine. Là, t'as plus rien qui entoure ton corps. Ça, tu sens l'air. Il y a des mains. Il y a un petit frisson, là. Il y a des mains qui tiennent. Le prototype du vertige arrive là aussi. Hein? Ça, c'est naturel aussi. Ouais. La peur des hauteurs. Le vertige peut partir de là. Ben, c'est une peur naturelle, là. C'est instinctif. OK. Puis, ben, le vertige. Ton premier vertige est là. On te promène dans les airs, puis tu te sens pas soutenu, sauf par des mains que tu sais pas c'est quoi des mains, de toute façon. Ah ouais. T'as aucune cognition de l'environnement dans lequel t'arrives. Et c'est pas vrai que le bébé se rend compte de rien. C'est-à-dire, tout s'enregistre. Puis, cette phase-là, des premiers temps, où t'as pas la cognition, c'est-à-dire, c'est comme tomber sur une planète Mars. Hein? T'as pas les mots, t'as pas les concepts pour comprendre dans quel environnement tu te retrouves. Imaginez-vous, là, vous retrouvez dans un environnement où il n'y a rien, aucun point de repère, sauf peut-être l'odeur d'une personne que vous connaissez, qui est votre mère, un ton de voix qui est peut-être le ton de voix de votre père, mais tout le reste, c'est de l'inconnu. Mm-hmm. C'est pas pour rien que les bébés ont besoin de dormir. Ah oui. C'est pas pour rien que les bébés, il faut qu'ils dorment, parce que c'est extrêmement exigeant ces premiers temps de vie-là. Mm-hmm. C'est un apprentissage intensif. C'est de la peur. Il y en a de la peur chez le bébé. Pourquoi on dit il faut que le bébé, qu'on le prenne, qu'on le serre? Il a peur, le bébé, parce qu'il est dans un mm-hmm. environnement qui. Il a l'impression. Tu sais, la sensation de la peur de devenir fou, là. Oui, bien, ça fait partie des critères quand je regarde sur le dépliant de ben, phobie. Bien, imaginez-vous, c'est un peu ça. Oui. Quand vous tombez dans un environnement où il n'y en a pas de repères. Mm-hmm. C'est ça, j'ai peur de virer fou. C'est-tu une des causes aussi de l'anxiété, le sommeil? Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Mais on dirait que c'est tellement épuisant, on est tellement aux aguets partout que ça épuise tellement qu'il y en a qui tombent endormis d'épuisement, justement? Ben, il y en a certains dans les gens qui sont anxieux qui peuvent avoir des problèmes à s'endormir, d'autres qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Mm-hmm. C'est des sommeils nerveux, qu'on peut dire. Tomber d'épuisement, après 4-5 jours, pas de sommeil, c'est sûr que tu peux tomber d'épuisement, mais t'essayes de ne pas en arriver là. Là. C'est pas l'idéal. Mais il faut savoir aussi, à ce moment-là, c'est dur pour tout le monde, la naissance. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Pourquoi certains deviennent anxieux, deviennent aux prises avec des troubles anxieux et d'autres pas? Personne ne le sait sur la planète, avec certitude. Ça devient un trouble quand c'est envahissant. Quelqu'un qui est aux études et qui est anxieux la veille d'un examen, c'est pas nécessairement envahissant, c'est normal. Ouais. Ça s'apparente à un trac, si tu veux. Quelqu'un qui a de l'anxiété tous les jours sans raison objective, sans que tu peux pointer du doigt pourquoi. Mm-hmm. Là, tu as un problème, puis je te conseille d'aller consulter ou d'aller en parler à des gens qui en vivent aussi comme toi. Quand ça devient envahissant. Est-ce que ça peut venir dès la naissance? Ça, c'est très freudien comme concept, et je crois que oui, il y a une partie de l'explication qui vient de là. Mm-hmm. Comme Claude disait, quand tu as mal vécu quelque chose dans l'enfance, ça te poursuit. Là, tu cherches quoi quand tu es anxieux? Tu cherches de l'attention, de l'amour. Tout partout. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis aimable? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va m'aimer? Une forme de sécurité, c'est oui. ça. Oui. Puis là, tu es aux aguets pour trouver cette source d'amour-là, mais tu ne te permets pas d'être toi-même. Il faut que tu sois parfait et pur pour acheter cet amour. Sinon, tu vas te faire rejeter. C'est ça que tu as intégré, là, dans ta petite tête d'enfant de 2 ans. Les troubles anxieux dérivent de là. C'est très psychosomatique. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des causes à ça. On va parler de comment identifier pour chacun, comment pour aider, parce que moi, je pense aux gens qui nous écoutent. On va aller en pause. Et puis, moi, je pense aux gens qui nous écoutent et qui en vivent, que ce soit, peu importe, de l'agoraphobie. J'espère, si au moins je peux aider une personne à prendre le téléphone puis qu'il fasse comme « OK, je suis tannée, là. Je suis vraiment tannée puis j'ai envie de me sortir de ça parce que ça n'a plus de bon sens », ben on va en parler de comment identifier et puis on va parler des ressources aussi. Puis comment, si on peut dire, mais contrôler l'anxiété. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va en parler toujours avec mes invités et puis... De retour aux différents avec Mélanie Fleurant qui vous accompagne jusqu'à 10h pour vous parler d'anxiété. Et puis, une petite mention, si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur... vous pouvez suivre les différents sur Facebook, sur la page Les Différents. J'ai placé une vidéo. Si vous avez... j'ai fait un petit live rapide ce matin. Si vous avez des questions concernant... l'anxiété concernant... puis, vous entendez nos invités, vous avez des questions pour eux. Ma page Facebook est jamais bien ben loin. Je vais essayer de jeter un coup d'œil de temps en temps tout en écoutant mes invités. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir Phobie Zéro en studio et Denis Viel qui est... mon spécialiste, si je peux dire ça. Ben, prends-le. Tu connais le sujet, Denis. C'est ça qui arrive. C'est que tu connais beaucoup ce qui est anxieux, ce qui est anxiété, stress, et tu pourrais en énumérer tellement. Il y a différents types d'anxiété. Vincent, tu m'en parlais un petit peu hors d'onde. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de types d'anxiété. Il y a de la phobie sociale, dont j'ai. Là, il y a aussi beaucoup de des gens qui font de l'agoraphobie. Mm-hmm. Il y a de l'anxiété généralisée, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y en a beaucoup. Puis, on se reconnaît pas dans tous. Comme on parlait tout à l'heure là, de la peur de la société, se faire filmer, tout ça. Moi, je suis pas du tout... J'ai pas cette crainte-là d'être filmé ou d'avoir que les gens viennent dans mon intimité, mais je vais avoir peur des gens en particulier, de parler devant les gens, ou même aller à des soupers ou des choses comme ça. Aller au restaurant. Il y en a beaucoup qui vont éviter ce type de situation-là. Oui. Il y a des phobies simples aussi, la simple phobie de l'araignée, par exemple, ou des serpents. Je connais des gens qui vont avoir presque une crise de panique en voyant des serpents. Juste en photo, il y en a qui ont des sueurs, il y en a qui ont le cœur qui débat, tout ça. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs niveaux, puis il y a plusieurs types de phobies. Quand ça devient envahissant, quand on a de la difficulté à rentrer au travail, quand on a de l'absentéisme, ça commence à être des troubles un peu plus sévères. Ben, tu m'amènes. C'est rendu là ou proche que c'est bien de soit de consulter ou venir à des organismes pour nous aider. Là. De contacter les organismes du type Phobie Zéro aussi qui fait des rencontres de groupe. Je vais mettre tous les liens sur la page Facebook, les différents. On parlait de travail. Tu m'amènes au lien au travail, à quoi ça peut ressembler quand on a une crise, une crise de panique ou quoi? Moi je te dirais, Mélanie, que au travail, moi je suis j'ai beaucoup de travail de bureau à faire. Puis parfois, il peut y avoir des confusions j'ai un texte à écrire, comment que je vais l'agencer, introduction, développement, conclusion. Les idées se mélangent dans ma tête. Et puis, pour aller plus vite, je peux me ramasser à faire un collage de phrases. Mais c'est pas ça qui est demandé. C'est de faire un texte synthétique qui résume un document de 20 pages, là, résumé en une page. C'est pas du collage de phrases qui va faire le travail. C'est vraiment ça mijote dans ta tête, tu fais une synthèse dans ta tête et tu couches ça sur papier. C'est pas les anxieux vont avoir de la misère parfois à produire cette synthèse de phrase-là. Ça, c'est un type. C'est, autrement dit, c'est quoi? C'est un manque de focus? Concentration. Ou... Ouais. Concentration, mijoter, c'est voir, juger, agir, là, qui a déjà été un motto très populaire au Québec des années passées. Je vois qu'est-ce qui est le texte que j'ai à lire et à résumer. Je juge les points les plus importants que le texte recèle et qui sont pas nécessairement évidents. Et je produis un concentré en une page de 20 pages du texte original. Mm-hmm. Ça demande une capacité de concentration grande. Mais malheureusement, avec un problème anxieux, tu peux en manquer parfois. Puis la solution, c'est pas prendre du café puis du café, là. Non. À un moment donné, ça pète, ça. Non, ça se peut, ça fonctionne. Puis ça, c'est un tout petit type. Mais il y en a Claude puis Vincent puis Denis pour en raconter d'autres, là. Mais moi, je raconte... Moi, j'irais dans le même sens que PA. Moi, c'est des problèmes de concentration. Moi, en tant que mécanicien, mettons, je rouvre le mauvais tiroir des outils, puis là, ça me prend beaucoup de concentration pour mon travail, alors c'est mon gros problème. Je suis en arrêt de travail présentement justement pour ça. Alors moi, c'est ça. Ça affecte la concentration. Ça affecte, puis même t'es obligé d'être en arrêt de travail, là. C'est à cause de ça. Non, c'est ça. C'est à cause de ça que t'es en arrêt de travail. Vincent, toi, de ton côté, comment ça se passe aussi? Moi, le travail, je me suis développé une confiance en moi plus grande en pratiquant beaucoup des psychologues, beaucoup de thérapies, des choses comme ça. Donc, mon travail, j'ai pas peur de mon travail. Je vais avoir peur, exemple, des gens à mon travail, des réunions, des dîners d'équipe, des choses comme ça. Okay. Parce que pour ce qui est de mon travail, je me considère assez compétent. Donc, j'ai pas cette problématique-là. C'est un plus, ça t'aide, là. Oui. Probablement au début de ma carrière, j'avais pas cette confiance-là. Ce qui m'aide, donc c'est un plus. Par contre, j'ai aussi... Moi, dans mon cas, tout est parti de troubles paniques. Mm-hmm. Et j'aimerais en parler un petit peu parce que les gens... Le trouble panique, c'est vraiment... La panique, c'est le physiquement et mentalement ce qui est le plus douloureux pour un anxieux, de faire une crise de panique. On peut s'imaginer là, le cœur qui bat, des nausées, des fourmillements dans les bras, les yeux, un sentiment d'irréalité. Ouais. La seule idée qui nous vient à l'esprit, c'est de fuir, de courir le plus loin possible, de la situation anxieuse. Ou si on le fait pas physiquement, on y pense longtemps, par exemple. On peut fixer à une porte longtemps. Ce qui est dommageable, c'est quand on est dans l'anticipation. Mm-hmm. On parlait d'imagination tout à l'heure. On peut pas fuir notre imagination. On est pris. Donc, c'est un cercle vicieux qui augmente. Et je me vois chez nous, sur mon lit, en train d'imaginer là, dans 2 ou 3 jours qu'est-ce qui va se passer, puis être en panique. Puis mm-hmm. je ne suis qu'à la maison dans mon lit. C'est un gros problème, puis ce qui amène beaucoup de gens à l'agoraphobie, j'en fais un petit peu, mais beaucoup de nous, dans mes connaissances, font de l'agoraphobie, ils ont peur de prendre le véhicule. Ouais. Beaucoup de gens vont craindre de traverser les ponts. Parce que de l'agoraphobie, pour expliquer aux gens ce que c'est la peur, on s'isole parce qu'on a peur du monde extérieur, c'est ça? C'est une bonne définition. L'agoraphobie, c'est ça, c'est la peur des foules, d'inconnus. Ouais. La peur de sortir de chez vous, carrément. Ça peut prendre plusieurs volets, mais agora, ça veut dire foule en grec, là. Je pense que c'est en grec, oui. Et c'est la peur de sortir dans un milieu, aller à Place Laurier, par exemple. Il y a plein de gens, là. Ah non, je veux pas y aller, moi, je vais me sentir tout croche. Ou, un show, c'est plein, on oublie ça, là. C'est certain qu'ils trouvent l'agoraphobie. Tu vas écouter ça à radio, là. La clé, c'est est-ce que je peux m'enfuir rapidement? OK. Sans encombre. Donc, okay. Quand beaucoup de gens sont en voiture, sont sur l'autoroute, ça va être pire que s'ils prennent les petites rues de campagne parce qu'ils peuvent sortir de leur voiture. Puis quand tu conduis ton char, tu as un sentiment de contrôle qui compense l'agoraphobie s'ils sont 8 dans le char. C'est ça, mais il ne faut pas être pris dans le trafic. Non, dans le trafic, c'est pas une bonne idée. Donc, si on est pris dans un bouchon de circulation, c'est vraiment pas le fun. Il y en a qui vont faire des détours pour éviter ça. Je parle à des gens qui disent si on irait à Montréal, serais-tu capable de conduire? Il n'y en a pas question. Mm-hmm. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Dans les troubles anxieux, on a inclus, on n'a pas parlé, mais juste un petit mot comme ça pour dire qu'il y a des syndromes de stress post-traumatique. Les soldats qui reviennent de la guerre, là, ils peuvent avoir des troubles anxieux dus à leur traumatisme vécu là-bas. Oui. Mais ça on n'en a pas tout à fait rencontré encore à Phobie Zéro, mais ça se peut aussi très bien. Oui, Claude? Moi, j'en ai vécu un syndrome de stress post-traumatique. Ah. Moi, j'ai enduré 18 ans de temps de la violence conjugale. De la part d'une femme. Et quand j'étais là-dedans, je m'en rendais pas compte. Je pensais toujours que ça allait s'améliorer, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'issue possible. Alors, j'ai quitté cette vie-là. Mm-hmm. Il y a 6 ans, je me suis pris en main. Mais un an après, j'ai fait un choc post-traumatique. Moi, c'est comme si j'avais été à la guerre pendant 18 ans. Alors, pendant 18 ans, j'ai jamais eu un commentaire positif sincère. J'ai mm-hmm. toujours été dénigré, j'ai toujours été me faire dire que l'autre était probable de faire ça, que l'autre c'est ça. Alors, mais aujourd'hui, j'ai quitté cette vie-là, puis je suis avec une personne merveilleuse du nom de Guylaine, que j'aime bien. On la salue. On la salue en passant. Guylaine, tu nous écoutes-tu, là? Bonjour, ma chérie, et je t'aime. Ah, c'est le fun, c'est beau. Alors, c'est ça, je suis content d'avoir pris ma vie en main, mais sauf que ça a laissé des marques dans mon cours, puis que je travaille avec l'aide de Phobie Zéro, avec l'aide d'autres organismes aussi. Moi, il y a Autonomie aussi à Limoilou qui m'ont aidé beaucoup dans le temps à me sortir de là. C'est un bon organisme pour hommes qui sont dans le besoin. Mais ça se traite, l'anxiété. La bonne nouvelle, c'est ça. Hein? Ça se traite, c'est pas une fatalité. Effectivement. Et je dirais, oui... Il y a l'aspect médicaments, là, mais je vais juste dire un petit mot là-dessus. C'est pas ni bon mm-hmm. ni mauvais, les médicaments. Ça dépend de toi. Et c'est du cas par cas. Et si tu es encadré par un professionnel de la santé compétent, la stratégie médication peut te donner un plus et t'aider à t'en sortir. Mais mm-hmm. c'est pas la chose qui doit occuper 100% de ta vie. Mais ça peut être un tremplin. Il y a aussi, évidemment, les thérapies cognitivo-comportementales dont on va parler là, quand l'animatrice nous donnera le OK. Parce que ça rejoint un peu notre moto à Phobie Zéro. Là. Oui, bien, mais je savais pas que j'étais censée me rendre là, mais écoute, parle-moi-en. Qu'est-ce que tu veux raconter à propos de ça? Phobie zéro, c'est quelque chose que moi, il a changé ma vie, puis qui a changé la vie de Vincent et de Claude, j'en suis certain, et oui. de dizaines oui. d'autres. Ça a été créé en 91 par une dame qui s'appelle Marie-André Laplante. Mm-hmm. Et là, à Québec, on a ça depuis les années 2000, Phobie zéro. Il y a eu une présence à Lévis qui a été écartée pendant quelques années, puis qui a revécu en 2014. Oui. Il y a quatre maisons à Québec. Il y a la maison de Sainte-Foy. Ben c'est ça. Moi, j'ai Sainte-Foy pour la maison de la famille Louis-Hébert, mm-hmm. sur la rue Boivin. Mm-hmm. J'ai à Limoilou, justement, au Patro Rocamadour, pour les gens de Limoilou qui nous écoutent. C'est tout proche d'ici. C'est tout près. C'est sur la première avenue. Coin 22e rue. C'est un très bon porte-parole pour Phobie Zéro. Et puis, ben c'est ça, à Lévis aussi. À Lévis, à la maison de la famille de Lévis. Et puis, il va en ouvrir probablement une quatrième à Québec, mais je ne sais pas où encore. Mais sinon, tous les liens, on peut les retrouver là, sur Phobie, au pluriel, -0.qc. Attendez que je vois, .qc.ca. Puis, voilà. Comme je vous dis, sur ma page, les différents, sur la page Facebook, je vais tout mettre ça. J'aimerais ça parler, si vous me permettez aussi, je voudrais savoir pour la relation avec les autres, comment on amène, est-ce qu'on l'amène, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Comment est-ce qu'on amène ça dans notre entourage? Si nos collègues nous posent des questions, ben pourquoi tu viens jamais à nos 5 à 7? Des soupers de famille, il y en a qui, même s'ils sont en famille, qui sont pas nécessairement bien, qui paniquent. Comment on aborde ça avec les gens autour de nous? Pour ma part, je pense que... Ça a l'air d'une grosse question. Je vois... Je pense que c'est un cheminement. Il faut commencer par accepter le trouble. Il oui. faut se dire, oui, je pense que j'ai un problème, avant de l'explorer, d'aller voir des organismes, de lire sur notre situation. Quand on est plus en connaissance de cause, on peut en parler, surtout si ça brime les autres. Je pense à ma famille, à ma conjointe, si je lui dis, ah, je veux pas sortir, je veux pas aller à tel endroit, elle doit le... Dans ma tête à moi, elle doit savoir que j'ai un problème. C'est sûr que c'est pas la première chose que tu dis à un premier rendez-vous. C'est pas une première date, non. C'est pas. Si c'est pour. Parce que moi, personnellement, je l'ai dit à mon supérieur, puis ça m'a enlevé un poids que j'avais sur les épaules. Donc, est-ce que tu suggérerais aux gens qui en font, qui sont au travail, puis qui ont une belle relation avec leur employeur? Oui. S'il y a une belle relation, je pense que oui. Oui, moi, je le conseille. Mais ça dépend toujours. C'est pas tout le monde qui a des supérieurs agréables. Puis il faut pas non plus tomber dans le pathos. Je fais des troubles anxieux, moi. Et considérer que je suis fragile, OK, là? Non. Ça, c'est à éviter. Mais certaines personnes gagnent à le connaître. Tu peux pas taire cette chose-là ad vitam aeternam. Mais ce que je veux aussi, c'est qu'avec les différents, qu'on puisse parler des tabous, qu'on puisse enlever des préjugés. Je veux pas parler des cas qui peuvent... Il peut en avoir de la manipulation sur certaines personnes, mais ici, je veux vraiment parler de ce que c'est. Donc, si on parle, on va parler à notre employeur, on peut l'aider, comme tu dis, Vincent. On peut en parler autour de nous. Sans vraiment, parce qu'il y a beaucoup de tabous là-dessus, on est gêné de le dire, on n'ose pas en parler, de plus en plus on en entend parler, mais comment on pourrait procéder avec les gens autour de nous? Moi, ça m'est arrivé souvent de dire à certains individus que je gageais, pardon le bon mot québécois, là, que j'estimais qu'ils étaient assez ouverts pour cela. Je leur disais, moi, oui, je souffre de troubles anxieux. Puis c'était tout le temps bien reçu. Mais c'était des gens plus jeunes aussi. C'était pas des gens de 70 ans. Cette génération-là, ils sont pas... Ils sont pas sensibilisés à ça, mais, à part de rares exceptions. Mais certaines personnes, de collègues, que ça a donné très bien dans la conversation, toi, tu as un message à donner, mm-hmm. d'espoir. Ils vont venir à toi, c'est les gens à qui tu devras le livrer, ce message-là. Mais c'est pas ton boss de 70 ans, nécessairement. Non. Oui. C'est pas tout le monde qui comprend ça. On remarquera qu'il y a beaucoup plus de publicité faite sur oui. Les troubles mentaux en général. Il y a des belles campagnes qui sont bien faites. Ça sensibilise beaucoup les gens. Puis moi, je vois, puis je trouve que la marche belle. Mm-hmm. Cause pour la cause. Ils font beaucoup de publicité. Steffi Choc, il a fait des publicités pour les troubles anxieux, lui. Bien, pour Belle, justement, Cause pour la cause, avec plusieurs artistes, Étienne Boulay, entre autres, aussi. Denis, tu voulais amener un... Oui? Bien, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense dans notre environnement qui souffrent à différents niveaux de problèmes d'anxiété. Exactement. Juste sur un plan statistique, le nombre de prescriptions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, le nombre de personnes qui ont une dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, au travail, le travail aussi, ça peut être une dépendance. Ouais. Autrement dit, tout comportement de fuite ou qui vise à geler le contact avec l'intériorité. Avec une émotion. Avec une émotion, c'est un indice que j'ai peur de quelque chose à l'intérieur. Et si j'ai peur, on commence à parler d'anxiété. Puis, il y a aussi, je vais donner deux noms de personnalités connues qui sont sortis du placard. Il y a Georges Saint-Pierre, le monsieur là, qui fait des combats ultimes là, dans un petit octogone qui est très riche, mais il souffre de troubles obsessifs compulsifs. Ouais. Et Serge Fiori, très, très célèbre dans les années 70, c'est encore reconnu. Lui, il fait de la phobie sociale. Phobie sociale. Fait que ça en fait deux qui sont sortis du placard. Oui, ben c'est ça. Il a sorti un disque, justement, dernièrement, puis il ne fait pas de spectacle. Non. Il fait pas de spectacle parce qu'il n'est pas capable. Oui. Combien d'artistes, avant de monter sur scène, on parle de trac, mais ça les rend malades. Ben oui. Ils vomissent, ils sont malades avant de monter sur scène. Ils arrivent sur scène, on ne le sait pas. ils traversent un enfer avant de monter sur scène. Ben il y a aussi l'effet... moi, je le vis peut-être à plus petite échelle à la radio parce que je suis pas vue. Mais avant que le micro s'allume, il y a un stress, il y a un trac. Mais ça, c'est normal. Mais ça, quand normal. On le parle, mais des fois aussi, je te dirais, PA, que ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre dans mes ouvertures. Les gens qui me suivent de plus en plus, ils me connaissent. Et puis, aussitôt qu'on a dit le premier bonjour ou qu'on a dit pour un comédien, notre première réplique, l'adrénaline embarque. Il y a même certaines maladies, des rhumes, il y a des fois où est-ce que il y a des comédiens qui jouent qui n'ont pas de voix, ils arrivent sur scène, la voix pouf réapparaît, mais ils ressortent de scène et il n'y a plus rien pendant peut-être deux semaines qu'il n'y a plus de voix. Et tu as dit quelque chose de super important. Oui, vas-y. Une fois qu'on est sur scène, l'adrénaline embarque. Complètement, oui. Et là, on le sent plus. D'accord? Voilà la clé. Hein? Je te laisse y aller. Quand je suis dans le réel de la chose, j'ai moins peur que ce que j'imagine de ce que ça va être. Ou j'ai plus peur pantoute. Voilà. Quand je suis dedans, dans l'action, dans le réel, on dirait que la peur s'évanouit. Hein? Et on disait, il faut aller confronter, il faut aller s'exposer. Ce que tu voulais amener tout à l'heure aussi, en parlant de l'approche cognitivo-comportementale, c'est une fois confronté à la peur, plongé dans ce qui nous fait peur, ça atténue. Avec le temps, ça nous désensibilise parce qu'on a des expériences qui nous montrent ben finalement, c'est pas si dangereux que ça. On appelle ça phobie zéro, démystifier, comprendre et maîtriser. Ça, c'est le volet qui diffusé à travers nos rencontres. Oui. Démystifier, en gros, c'est « Ah, ben, je souffre de troubles anxieux. Je l'accepte. » Comprendre, c'est lire, écouter, aller à des conférences. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Maîtriser, c'est s'exposer. Et puis, les petites pensées de peur, là, quand ils sont confrontés au réel, qui n'est pas générateur de peur dans la réalité, ah ben là, ça disparaît. Ça disparaît, oui. Ah ben, tu te donnes la chance de te guérir comme ça. Est-ce qu'il y a, en terminant, parce qu'il me reste à peu près 3 minutes, déjà, ça a passé vite, des outils qu'on pourrait donner aux gens. Oui, il y a Phobie Zéro, il y a des organismes, il y a des psychologues. Allez voir sur le site de l'Ordre des psychologues. Allez voir votre médecin de famille si vous en avez un. On va essayer que la santé, que M. Barrette aide un petit peu au niveau de la santé mentale. Mais ça, c'est un autre sujet, mais je pourrais... J'aimerais l'inviter. J'aimerais t'amener un concept. Vas-y donc. J'aime pas qu'on parle de concept de santé mentale dans ce cadre-là. J'aime mieux qu'on parle de santé psychologique. D'accord. J'ai envie de dire que la santé mentale, pour moi, c'est relié à un diagnostic clair, net et précis. Schizophrénie. De type schizophrénie. Là, on parle de problématiques de santé mentale. Est-ce qu'on irait plus avec un préjugé face au terme santé mentale? Ben, je pense que ça fait peur, d'ailleurs, de dire « Ah, j'ai un problème de santé mentale ». Non. Mais on a toute une santé mentale, faut pas l'oublier, comme on a une santé physique. Moi, j'aimerais qu'on développe peu à peu une approche de type c'est de la santé psychologique, c'est de la santé relationnelle. C'est relation à soi, relation aux autres, relation à l'environnement. J'ai pas nécessairement un cerveau tout croche. J'ai pas nécessairement un débalancement chimique obligatoirement dans mon cerveau qui m'oblige à prendre à vie des médicaments. C'est pas de la schizophrénie, c'est un ensemble d'apprentissages que j'ai fait en bas âge qui m'a montré qu'il fallait que j'aille peur. Absolument. Hein? Peur des autres, peur de mon environnement, peur de ce que je ressens. Et ça se désapprend. Et en ce sens-là, moi, je trouve qu'on est plus dans l'ordre de la santé psychologique que de la santé mentale. Merci de préciser, oui, Denis. Pour les outils, en terminant, une minute. Ben, il y a toujours les livres, la lecture. Oui, on excuse, PA. Ton micro est ouvert, on t'entend. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un livre qui a changé la vie de 99,999% des membres de Phobie Zéro. Oui. C'est Le piège du bonheur de Ross Harris. D'accord. Procurez-vous ça à la bibliothèque ou achetez-le, je vous en prie. Si vous voulez pas venir à Phobie Zéro, achetez ça au moins. Oui. Puis, donc, les lectures, on peut avoir aussi des... Dans le fond, moi, je pense toujours à un coffre à outils. On peut mettre ces outils-là. Oui. On peut mettre le psychologue dans le coffre à outils. On peut mettre Phobie Zéro dans le coffre à outils, des livres. Ne restez pas isolés. Oui. Oui. Restez pas isolés. C'est dans la relation humaine qu'on peut commencer à sortir de cette souffrance-là. C'est d'ailleurs la chose qui ressort le plus à Phobie Zéro des premières rencontres, c'est « je ne suis pas seul ». Voilà. C'est la plus belle chose qu'on veut avoir, c'est ne plus se sentir seul. Ne plus se sentir seul. Parce qu'on se pense toujours seul avec ces choses-là, puis ça fait tellement de bien d'aller dans le monde, puis d'en parler, puis... Bien, merci, messieurs. Merci d'être venus. Merci, Claude. On va terminer avec ça. Merci, Vincent. Denis Viel, merci beaucoup. PA, merci beaucoup. Je vais mettre tous les liens. C'est déjà terminé pour moi.